إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل. Explication du livre أعلام سنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. On s'arrêtait à la question numéro 114. La question numéro 114. Et avant cela, bien sûr, le shir il avait parlé à la question 113 et également à la question 112 du rassemblement. Comment était le rassemblement, ce qu'on appelle donc al-hashr? Et sans l'expliquer, on a donné tous les termes qui allaient avec, et également on expliquait donc à travers ce que nous a dit le shir et en apportant d'autres précisions comment ça allait se dérouler. Wallah al-musta'an. Et ensuite le shir va passer donc à la question 114. Fayaqul kayfa sifatul mawqif min al-kitab? Kayfa sifatul mawqif min al-kitab? Donc là pareil, il va nous parler de ce qu'on appelle le mawqif, et qu'on traduit de cette façon-là, comment les gens se tiendront-ils debout le jour du jugement? Bien entendu, c'est entre parenthèses le jour du jugement selon le Coran. Donc il va nous apporter des preuves du Coran par rapport à ce moment-là, al-mawqif. Une précision est à donner. C'est qu'on a vu le rassemblement. Donc une fois que le rassemblement il est terminé, il y a donc al-mawqif. C'est-à-dire là où on va voir, il va se passer plusieurs choses. Et parmi les choses qui vont se passer, les comptes. Et c'est pour ça qu'ensuite, la question qui va venir après qu'il nous ait détaillé ce point-là, d'après le Coran et la Sunna, il va donc nous parler du al-hisab, c'est-à-dire des comptes. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé du rassemblement, où c'est qu'on est rassemblé, où c'est qu'on a rassemblé. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous précise cela, et qui nous précise également donc où on va se tenir debout à ce moment-là, c'est-à-dire al-mawqif. C'est un hadith qui est rapporté par Sahal ibn Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, hadith muttafaqun alayhi. Rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء يعني بالعين عفراء كقرصة نقي. قال سهل وغيره ليس فيه معلم لأحد. طيب donc le prophète sallam il nous précise dans ce hadith où c'est qu'on va être donc rassemblé, et donc où c'est qu'on va se tenir debout. Donc on dit al-hashr et ensuite al-mawqif, ça va bien sûr être au même endroit. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous détailler et va nous préciser cet endroit. Il nous dit c'est une terre. Yurshalun nas yawm al-qiyamah, c'est-à-dire que les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre, al-ardin bayda, elle est blanche, afra kaqursatin naqi. Donc bayda, c'est connu, elle est blanche. Et le terme afra, yani ma'ilatun ila al-hamra. Ma'ilatun ila al-hamra, c'est-à-dire qu'elle penche vers la couleur du rouge. Donc blanche et également rouge. Donc entre le blanc et le rouge. Et ensuite le prophète sallam yaqul qaqursatin naqi. Qaqursatin naqi, ay kakhubzatil hab an-naqi, idha ma idhan yani ma'ilatun ila al-hamra. Donc, lorsqu'il dit le prophète sallam qaqursatin naqi, c'est-à-dire comme une galette de pain, qui est fait à la base donc de graines, mais de graines pures. Donc, ici, c'est également yanima ilatun al-hamra, comme on sait que ces galettes qui sont faites de telle sorte, elles ont en fait une couleur qui penche vers le rouge. Donc, ce sera en fait la couleur de cette terre-là que le prophète sallam nous a désignée. Et Sahal, il dit, et d'autres encore parmi les rapporteurs du hadith, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien sur cette terre qui sera comme des panneaux qui pourraient nous indiquer un chemin, etc. C'est-à-dire, ou alors, de façon plus générale, comme les, les montagnes, par exemple les montagnes, qui puissent nous indiquer où l'on va. Ce sera une terre où il n'y a rien du tout en fait, qui sera vide. Il n'y aura même pas donc dans ce qu'on appelle ma'lam li ahadin. Il n'y aura rien par lequel on pourra savoir où on est ou nous indiquer un chemin ou autre. Rien du tout. Absolument rien. Wallah al-musta'an. Et donc à ce moment-là, les gens donc, ils sont rassemblés et c'est là donc que va nous expliquer le shir al-muqif. Donc comment ils vont être à ce moment-là? Quelle va être leur situation à ce moment-là? Et donc le shir va nous apporter des versets du Coran et également va nous apporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également un point important à savoir, c'est que certains savants ensuite nous parlent directement de Ash-Shafara. Ash-Shafara. Donc on va voir au niveau des livres qui traitent de la croyance que Ash-Shafara, qui est donc l'intercession, fi taqdim ou ta'khir fil abwab. C'est-à-dire que les savants parlent de Ash-Shafara à la fin ou des moments ils en parlent au début, bien sûr pour ce qui concerne le jour du jugement. Et pourquoi cela? Tout simplement ce qu'on sait, et on va le voir donc le shir, parce qu'il va nous parler de Ash-Shafara, l'intercession, il y a plusieurs intercessions. Donc il y a la grande intercession, et il y a d'autres intercessions qui vont également intervenir durant le déroulement du jour du jugement, jusqu'à à l'entrée au paradis, même au moment où on va rentrer au paradis, il y aura également des intercessions. Donc c'est pour ça que les savants, soit ils placent donc directement ce chapitre après donc Al-Hash, c'est-à-dire après qu'on a été rassemblés, il parle donc de la Shafara. Pourquoi? Parce que la première Shafara, qui est la plus grande des Shafara, elle va intervenir à ce moment-là. Et on le verra, Inch'Allah, lorsque le Shir, il va en parler. Donc, il place ce chapitre à ce moment-là à cause de cela, à cause de la grande Shafara, Shafara Tul-Kubra, qui va intervenir à ce moment-là. Donc, tout de suite après Al-Hash, après qu'on a été rassemblés. Et qui est donc en faveur, comme tout le monde le sait, comme on va le voir, en faveur du prophète, salawatullah wa salamun alayhi, notre prophète, salawatullah wa salamun alayhi. Et les autres savants donc, et c'est le cas ici de Sheikh Hafiz, rahmatullah alayhi, lui il a décidé de placer ce chapitre à la fin. Donc on va voir qu'il va placer à la fin. On voit que c'est bien plus loin dans les questions, en prenant compte donc qu'à Shafara il y en a plusieurs, en plus de la grande Shafara ou de la Shafara, l'intercession qui est dite majeure, il y en a d'autres, et donc il les regroupe à la fin donc du chapitre concernant le jour du jugement. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, suivant les chapitres, ou disons plutôt suivant At-Tartib, c'est-à-dire suivant l'ordre que les savants prennent lorsqu'ils écrivent leurs livres, ils prennent en compte cela. Donc ceux qui le font, qui le mettent en premier, ceux qui le mettent en dernier. Donc le Shia, rahmatullah alayh, à la question 514, donc sa réponse, il va nous citer des versets. Parmi les versets qu'il cite, qui nous montrent comment ça va se passer, al-muqif, comment les gens vont se tenir debout, parmi les versets, il y a le suivant. يقول الشيخ قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce qu'font les injustes, et leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et le deuxième verset qui nous cite le shir, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Le jour où l'esprit et les anges se seront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Également un autre verset qui nous cite le shir. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiés. Les injustes n'auront ni amis zélés ni intercesseurs écoutés. Un autre verset que le shir nous cite. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. Et un autre verset, le dernier verset qu'il cite, nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, les deux charges bien sûr, Thaqalain, qui sont les hommes et les djinns. Donc ça c'est pour les versets du Coran qui mettent en évidence comment les gens vont se tenir au jour du jugement. Et donc la question 115, comme c'est son habitude, le shir il vient ensuite en nous rappelant la sunna du prophète sallam à ce propos. ويقول dans la question numéro 115, كيف صفة الموقف من السنة. يقول الشيخ فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر. Donc il va nous citer le premier hadith. Il nous dit en introduction qu'il y a beaucoup de hadiths à ce propos. De nombreux hadiths ont été rapportés à ce propos, donc à propos du موقف. Et parmi cela, parmi ces hadiths, le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté bien sûr par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayh. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني. Donc il a cité le verset, le prophète sallallahu alayhi, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. يوم يقوم الناس لرب العالمين. L'un d'eux se lèvera dans sa sueur qui arrivera à la moitié de ses oreilles. Un autre hadith qui nous cite également, hadith de Abu Huraira, فيقول وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. Les gens transpireront le jour de la résurrection, à tel point que leur sueur s'infiltrera de 70 coudées dans la terre, et elle arrivera au niveau de leur bouche jusqu'à atteindre leur oreille. Ça aussi c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Allah al-Musta'an. Ensuite le shir nous pose donc, à ce moment-là on a dit qu'il va y avoir al-hisab, c'est-à-dire le compte, al-hisab. Et c'est la question 116. فيقول كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. C'est-à-dire comment va être l'exposition ou la comparution. Al-arb. On va revenir sur ces mots, on va les expliquer en détail. Al-arb. Et le jugement, al-hisab, sont-ils décrits selon le Coran. Donc leur description suivant le livre d'Allah Azza wa Jal. Et le shir va nous citer donc des versets par rapport à cela. Il a utilisé le terme al-arb. Il a utilisé le terme al-hisab, le shir, ici. Et il va nous rapporter également ensuite dans la question numéro 117 un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour simplifier et pour comprendre, c'est-à-dire la compréhension du hadith qui va être cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension de ce qui va se passer ce jour-là, il faut savoir en fait que al-hisab, il a une définition. Al-hisab a une définition. Et que al-hisab, il se divise en plusieurs catégories. Dans un premier temps, al-hisab au niveau de la langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire al-hisab au niveau de la langue arabe? Au niveau de la langue arabe, en fait, c'est l'adad. C'est pour ça que tu dis hasaba yahsibu hisaban. تقول عدا يعد يعد نقوده يحسب نقوده نفس الشيء. Donc ça vient du verbe hasaba ou adda, c'est-à-dire compter. Donc tu comptes ton argent. Ahsib nuqudi, je compte mon argent. Et bien sûr dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول Inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsib. Nous sommes une communauté illettrée. La naktub wa la nahsib. C'est-à-dire, nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. Et bien sûr, lorsque le prophète sallam yaqul la naktub wa la nahsib, hadal ghalib. Il parle bien sûr de sa communauté, c'est-à-dire des compagnons. Et bien sûr, ici, minbab al ghalib. C'est pour la plupart des gens, bien entendu, de façon générale, cette parole du prophète sallam. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il y a eu des kuttab, mithl kuttab al-wahi, ceux qui ont écrit la révélation, ceux qui ont donc écrit la révélation, qui ont écrit le Coran sur des feuilles, etc. Donc ça c'est de façon générale, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il dit Inna ummatun ummiya, la naktubu la nahsib. Au niveau donc du shara, qu'est-ce que la hisab? Au niveau du shar, au niveau législatif, au niveau de la religion, son acceptation religieuse de ce terme. Wa itla'u Allah azza wa jal 'ibadahu 'ala a'malihim wa mujazatihim biha wa muhasabatihim 'alayha. Donc c'est le fait qu'Allah azza wa jal fait voir à ses esclaves 'ala a'malihim, c'est-à-dire leurs actes. Et ensuite, il les rétribue suivant cela, il leur fait donc le jugement, le compte de ces actes-là. Et comme on a dit ça, donc c'est al-hisab. Et on a dit que al-hisab est muqassim ila qismain. Al-hisab, il se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qui est employé ici, le terme qui est employé dans la question par le shir, et ce qu'on appelle al-arb. Qu'on peut traduire al-arb, donc si on peut écrire ces termes-là, al-arb, qu'on peut traduire par présentation ou comparution, etc. Présenter quelque chose. Ça, c'est al-arb, lorsque tu présentes quelque chose. Tu fais comparaître quelque chose, al-arb. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, al-munaqasha. Al-munaqasha. Ça, c'est la deuxième catégorie du hisab. Al-munaqasha, on peut également traduire par demande de compte. Munaqasha. On va voir exactement au niveau de la religion que veut dire ce terme-là. Et comment on comprend la différence entre ces deux, al-arb ou al-munaqasha? Automatiquement, il y a une différence. Ces deux catégories qui sont différentes l'une de l'autre et qui rentrent bien sûr sous le terme al-hisab. Si on peut écrire les termes al-hisab, al-arb, al-munaqasha, al-aklofikum, en arabe et également phonétique, pour comprendre cette différence, il y a un hadith du prophète salawatullah wa salamun alayhi qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Qui est un hadith de Aïcha. Il dit le Nabi sallam, Laysa ahadun yuhasabu illa halaka. Laysa ahadun yuhasabu illa halaka. Le prophète sallam, il dit cette parole. Laysa ahadun yuhasabu illa halaka. Il n'y a personne à qui compte est fait sans qu'il ne soit perdu. Sans qu'il ne soit perdu. Donc on voit le terme qui est employé par le prophète sallam, en revenant au terme arabe. Yuhasab, donc qui vient du terme al-hisab. Donc il faut bien comprendre le terme qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, lorsqu'elle a entendu cela, Aïcha, et celle qui rapporte bien sûr le hadith, qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Qultu ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak, alaysa yaqulu Allahu azza wa jal, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Donc après avoir entendu cette parole, elle pose la question à Aïcha au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant un verset du Coran. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, celui dont son livre lui sera donné de par sa droite. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, donc compte lui sera fait, mais un compte hisaban yasira, un compte qui sera léger, yasira, un compte qui sera léger. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là en répondant à Aïcha? قال ذاك العرب يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. À partir de là, à partir de cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre exactement les deux catégories du hisab, et qu'il y a bel et bien deux catégories comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'expose ici dans cette réponse, et également avec les termes qu'ils vont employer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on dit l'arb et lorsqu'on dit al-munaqasha. Tous ces termes là ils viennent en fait des paroles prophétiques. Al-arb, al-munaqash, al-hisab. Comme on vient de voir simplement dans ce hadith, ces trois termes sont présents. Yaqul le Nabi sallam, dhaak al-arb. Donc il dit, dans le verset qui est cité ici, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Il dit que ça, c'est la première catégorie qui est considérée comme al-arb, dhaak al-arb. Et ensuite, il nous rappelle le prophète sallam, la deuxième catégorie, en disant وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابْ هَلَكَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابْ هَلَكَ. Dans d'autres versions, عُذِّبَ عُذِّبَ. On va le voir lorsque le shir il nous rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابْ هَلَكَ. Donc ici on voit le terme employé نُوْقِشَ qui vient donc du terme al-munaqasha. Et comment on va comprendre l'arbre? Comment on va comprendre l'arbre? Qu'est-ce que l'arbre? Donc on sait que c'est ذاك العرب, c'est الحساب اليسير, ce qui est traduit ici par le prophète sallam d'après le verset du Coran qui nous a donc donné son tafsir et nous a expliqué الحساب اليسير, et ça c'est l'arabe. Donc par rapport à cela, comment on va comprendre exactement comment ça va se passer l'arabe et quelle est la différence avec المناقشة. Il y a donc un autre hadith du prophète sallam qui vient nous mettre en évidence cela. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani fi Mishkat al-Masabih. Il disait cette doua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans une autre version également auprès de l'imam Ahmed, elle nous précise à Aïcha qu'il le disait durant certaines de ses prières. Kanat taqul Aïcha sami'tu yaqul fi ba'di salatihi. Fi ba'di salatihi, c'est-à-dire j'ai entendu qu'il disait durant pendant certaines de ses prières ou quelques-unes de ses prières. Donc c'est une doua où il est légiféré de la dire durant la prière, et qui est la suivante: Allahumma hasibni hisaban yasira, c'est-à-dire ô mon Seigneur, fais-moi un compte qui sera léger. Faqalat Aisha, lorsqu'elle a entendu donc cette doua, mal hisabul yasir ya Rasulullah, elle a demandé au prophète sallam quel est al-hisab al-yasir. Faqal an yunzara fi kitabi fayutajawaz anhu wa fi riwayatin tu'rabu alayhi dhunubuhu thumma yutajawazu lahu anha. C'est ça l'arbre. C'est exactement ce que nous dit le prophète comme nous l'a expliqué. Al-arbu, et qui est également al-hisab al-yasir dans ce hadith ou dans cette doua, et également que l'on retrouve dans le verset, وَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, c'est ce que nous dit le prophète sallam, أَنْ يُنْظَرَ فِي كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزْ عَنْهُ. C'est-à-dire que l'on regarde dans son livre, le livre où il y a écrit ses actions, et bien sûr parmi ses actions il y aura des mauvaises actions, et qu'on passe dessus. C'est-à-dire sans qu'il y ait en fait de punition par rapport à cela. Et dans une autre version également, tu'arabu alayhi dhunubu, c'est-à-dire qu'on lui montrera ses péchés, thumma yutajawazu lahu anha, et ensuite on passe sur ces péchés-là. Donc on lui montre ses péchés, il va voir ses péchés, et ensuite on y passe, on passe sur ses péchés, c'est-à-dire que on n'en tient pas compte par rapport bien sûr à la rétribution ou par rapport au châtiment. Donc c'est exactement ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'explication donc d'Al-Arb. Al-Arb. Et si donc on avait donné une définition à partir de là, on aurait à dire Taqrirullah Azza wa Jal al-Abd bidhunubihi thumma maghfiratuhu lahu. Donc c'est qu'Allah Azza wa Jal te fasse reconnaître tes erreurs, fasse reconnaître à chaque esclave ses erreurs ou ses péchés. Taqrirullah Azza wa Jal al-Abd bidhunubihi thumma maghfiratuhu lahu. Et qu'ensuite il pardonne. Il lui pardonne donc ses péchés, il passe sur ses péchés. Ça, c'est l'arb. Donc, on voit bien le terme l'arb, c'est-à-dire, donc, mettre, faire comparaître, exposer donc. Donc, on voit bien ici d'où vient le terme et pourquoi il est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est l'arb. Et par rapport à al-munaqasha, donc al-munaqasha, comme il est dit dans le hadith, wa man nuqisha al-hisab halaka. Wa man nuqisha al-hisab halaka wa fi riwayatin udhiba. Donc, la définition de al-munaqasha, istiqsa'u jami' al-a'mal kabiriha wa saghiriha wa jaliliha wa haqiriha wa 'adam al-musamahati fi shay'in min dhalik. Donc c'est rendre minutieusement compte de tout les œuvres de l'homme. C'est un compte minutieux, de manière approfondie, minutieusement, tous les actes de l'homme, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient importants ou qu'ils soient négligeables. Et ne pas lui pardonner dans cela. Donc ça c'est le munaqasha. C'est là où il n'y aura pas de pardon. Alors que l'arbre, on a vu que Allah Azzawajal pardonne. Wa maghfiratuhu lahu. Donc on voit la différence exactement. Donc qui est mis en évidence par le prophète sallam dans ce verset. Et donc ensuite les savants nous donnent ces définitions pour donc bien faire apparaître la différence entre les deux et comprendre donc à partir de là le hadith, est-ce qu'on va donc comprendre à partir de la sunna lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du hisab, bien comprendre la différence entre les deux. Donc ça c'est al-munaqasha, istiqsa'u jami' al-a'mal kabiriha wa saghiriha wa saghiriha jaliliha wa haqiriha wa 'adam al-musamahati fi shay'in min dhalik. On peut comprendre également, et ça c'est important, et on va voir pourquoi on comprend de cette manière là on le précise, c'est que dans le hadith, et c'est la version que va nous donner le shir en fait à la question numéro 117 lorsqu'il nous rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la suivante, Manu Qisha al-Hisaba Uddiba. Au niveau du terme Uddiba, les savants nous disent en fait que l'on peut comprendre ce terme-là de deux façons différentes. Uddiba. C'est-à-dire, Niyakun al-Adab Bidati. Taïb. Donc la première compréhension, c'est Man Nu Qisha al-Hisaba Uddiba. C'est-à-dire qu'au moment, même où il y a le Munaqasha, c'est-à-dire au moment où on montre toutes les œuvres de manière minutieuse, on montre toutes les œuvres à Ibn Adam et qu'on lui fait voir tous ses péchés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il advient? Il advient un adab, c'est-à-dire que la personne yata'adhab bidhalik, c'est-à-dire que c'est un châtiment en lui-même, c'est le munaqasha en lui-même, c'est un châtiment. C'est pour ça manu qisha al-hisaba udhiba. C'est comme ça ici qu'on le comprend. Uddiba. Ça, c'est la première compréhension. Donc, al-munaqasha bidhatiya adab. Al-munaqasha bidhatiya adab. C'est comme ça qu'on comprend, ou la première compréhension qu'on peut avoir du hadith et qui est saine. C'est une compréhension qui est saine. Et également, une deuxième compréhension que nous donnent les savants, c'est-à-dire que cela, ou cette munaqasha, qu'est-ce qu'elle va avoir pour conséquence? Le non-pardon des péchés et donc ensuite le châtiment. Ensuite le châtiment. Donc ça, c'est également la deuxième compréhension, Uddiba. C'est-à-dire qu'à la suite de cela, à la suite de l'munaqasha, il va donc advenir l'adab, le châtiment. Yani, ta'oulu bi sahibia ila l'adab. Non, ta'oulu bi sahibia ila l'adab. Ça, c'est pour l'munaqasha. C'est pour la compréhension également du hadith. Et on va voir pourquoi cela, lorsqu'on dit Uddiba, on va voir pour ce qui est du cas du kafir, al-kafir. Et on verra également, on va voir l'irtilaf des savants par rapport à cela. Également une question qu'on pose, et tout d'abord on va lire les versets qui nous a apporté le shir par rapport à la question numéro 116, et qui sont les versets suivants. Il nous en rapporte également, il nous rapporte 5, même 6 versets, donc par rapport à al-hisab. Et le premier, c'est le suivant. يقول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là, vous serez exposé et rien de vous ne sera caché. Le deuxième verset qu'il dit وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus comme nous vous avons créé la première fois. Également un autre verset qui nous cite le shir. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos signes et qu'ils seront placés en rang, puis quand ils seront arrivés, Allah dira: avez-vous traité de mensonge mes signes? C'est-à-dire entre parenthèses, Allah dira: avez-vous traité de mensonge mes signes sans les embrasser de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus à cause de leur injustice et ils ne pourront rien dire. Et également le verset suivant qui nous cite le shir. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montrée leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Également un autre verset. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et le dernier verset qu'il cite. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Dans les deux derniers versets que le shir nous a cités. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et le deuxième verset. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Ça, c'est un ces deux versets du Coran. Et il y a un autre verset du Coran qui pourrait, suivant donc notre compréhension, à nous, être en contradiction, et qui est le verset suivant. فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Donc, on voit que dans ce verset, c'est-à-dire le jour où on ne demandera pas par rapport à leur péché, que ce soit les djinns, ou avant cela que ce soit les hommes ou que ce soit les djinns. فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Les premiers versets qu'on a cités, comme le suivant, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Donc, par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. Donc on voit ici qu'il y a l'attestation de l'interrogation ou de l'interrogatoire. Et dans le deuxième verset ou dans le dernier verset qu'on a cité, il y a en fait négation, cet interrogatoire. Et en fait, par rapport à cela, les savants, ils ont plusieurs réponses. Et parmi la réponse qu'ils nous donnent, c'est-à-dire qu'à certains endroits du jugement, il y aura des questions qui seront posées. Donc en relation avec les deux versets qu'on a cités. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et la parole d'Allah Azzawajal, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Donc ça, c'est des moments du jugement où ils seront interrogés. Et à d'autres moments, ils ne seront pas interrogés. Et qui est donc en relation avec le verset qu'on a cité, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Donc ça, c'est une des réponses qui est donnée par les savants pour comprendre donc ces versets. Également, pour ce qui est du hisab, il faut savoir qu'il y a une règle qui est générale. الحساب عام لجميع الخلائق إلا ما استثنى الشر إلا ما استثنى الشر. C'est-à-dire que le hisab, le compte, est général pour toutes les créatures, les جميع الخلائق إلا ما استثنى الشر, sauf ce que la législation, ce que la religion a accepté. Sur quoi elle a fait exception ou sur qui elle a fait exception? Sinon, si on n'a pas une preuve, donc il nous faut une preuve pour dire que des gens, ils ne leur seront pas fait compte. Il faut une preuve par rapport à cette règle. Al-hisabu 'ammun li jami' al-khalaiq illa ma istathna ash-shar. Et parmi les exceptions, on en a. Il y a le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui est un hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, et qui concerne les 70 000 personnes. Et dont l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh l'a rapporté dans son livre, dans son grand livre, dans son fameux livre Kitab al-Tawhid, fi bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Celui donc qui a concrétisé le tawhid, il rentrera dans le paradis sans compte, sans qu'on lui fasse compte. Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Et qui est le fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 70 000 personnes qui rentreront sans hisab. Parce qu'il a dit le prophète sallam, يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَاُولَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Il entrera parmi ceux-là au paradis 70 000 personnes sans qu'on leur fasse compte. Eux, ils n'auront pas de compte. هَذَا إِسْتِثْنَا مِنَ الشَّرْعِ. Donc le prophète sallam a écarté ces gens-là ou a fait exception sur ces gens-là, 70 000. Et lorsque, bien sûr, comme vous savez, le prophète sallam est rentré chez lui, ensuite les sahaba se concerter, chacun a essayé de savoir et de débattre sur ces personnes-là. Et lorsqu'il est revenu, le prophète sallam, il les a informés qui sont ces gens. Il leur a dit, هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Sont ceux qui ont réuni ces sifats, qui ont réuni ces caractéristiques, sont ceux qui rentreront au paradis. Et ils sont 70 000. Et lorsqu'on dit ce hadad, 70 000, il faut savoir qu'il y a une autre version qui est venu de ce hadith auprès de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission Hassan ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Il dit à propos de ce hadith, sanadou jayyid, sanadou, sa chaîne de transmission jayyid, est bien et bonne, et qui est la parole du prophète sallam, fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alf. C'est à dire que le prophète sallam, après avoir demandé à son seigneur qu'il augmente ce nombre, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفٍ. C'est-à-dire, à chaque 1000 personnes de ces 70 000, Allah Azzawajal a augmenté 70 000 autres. Toutes les 1000, il reste à faire un calcul, toutes les 1000 personnes de ces 70 000, il y aura 70 000 autres personnes. فزادني مع كل ألف سبعين ألف. Et bien sûr, dans ce hadith qui est important à détailler, lorsque le prophète sallam yaqul la yastarqun, et معنى la yastarqun يعني لا يطلبون الرقية, لا يطلبون الرقية, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas la ruqya, ce qu'on appelle bien sûr ruqya. Et pourquoi cela, le prophète sallam yaqul la yastarqun, sachant que c'est permis de demander ruqya, la yatlubun ruqya. C'est tout simplement que celui, et surtout du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette communauté, celui qui demande de manière générale ruqya, il se rattache et son cœur a tendance à se raccrocher à ce qu'on appelle raqi, c'est-à-dire la personne qui fait ruqya. Parce que les gens sont faibles. Enam. Donc c'est pour ça, ada yatrul min kamal, fi kamal at tawakkul. C'est-à-dire la personne qui ne demande pas, la yastarqun, cela rentre dans kamal et tawakkul. C'est-à-dire la perfection du tawakkul. La personne qui ne demande pas ruqya. C'est pour ça ici que le prophète sallam yaqul, hum alladhina la yastarqun. Yani la yatlubuna ruqya. Ils ne demandent pas ruqya. Également ensuite il dit, wala yatatayyaroun. Wala yatatayyaroun. Et bien sûr ça vient de ce qu'on appelle at-tatayyur. At-tatayyur. Et qu'on traduit comme la mauvaise augure, c'est-à-dire considérer la mauvaise augure ou la bonne augure. Certaines personnes raccrochent leur acte à ce qu'ils vont voir, c'est-à-dire que s'ils vont voir une chose qui pour eux leur paraît de mauvaise augure, ils ne la font pas, et au contraire s'ils voient une chose qui est pour eux une bonne augure, ils vont la faire. Ça c'est ce qu'on appelle at-tatayyur, et ça vient bien sûr du terme at-tayr, c'est-à-dire de l'oiseau. Pourquoi c'est pris de ce terme at-tayr, l'oiseau? Parce que du temps de la Jahiliya, les gens de façon générale, ils se raccrochaient en fait aux oiseaux, c'est-à-dire la mauvaise augure et la bonne augure, c'était par rapport aux oiseaux qu'ils voyaient, etc. Mais bien sûr, ça peut être de manière tout à fait générale. Ça peut être également tatayur bin nujum, c'est-à-dire par rapport, considérer la mauvaise et la bonne augure par rapport aux étoiles. Également, comme c'est connu en France, lorsqu'ils disent le chat noir, lorsque la personne voit un chat noir et qu'ils disent que ça c'est mauvaise augure et qu'elle rentre chez elle lorsqu'elle voit le chat noir. Ça c'est du at-tatayyur. C'est ce qu'on appelle at-tatayyur. At-tayra. Donc qui vient donc de ce terme. Et bien sûr, hada yunafi at-tawakkul. Hada yunafi at-tawakkul. Et également il dit wala yaktawun, wala yaktawun. Est-ce qu'on a la yaktawun, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la cautérisation. Al-iktiwa traduit donc la cautérisation. Et il faut savoir que la yaktawun, ça ne veut pas dire ici que c'est interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et qu'il a également ordonné parmi ses compagnons de le faire. Mais il faut savoir de manière générale, lorsqu'on regarde la sunna de manière générale, qu'il y a quatre considérations du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'iktiwa. Il y a son fi'l, c'est-à-dire l'acte, et qui nous prouve donc al-jawaz. Et également, adam al-mahabba lahu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'iktiwa. Et également, al-thana'u ala man taraka l'iktiwa, c'est-à-dire comme dans ce hadith, c'est-à-dire l'éloge par rapport à ceux qui délaissent la cautérisation, l'iktiwa. Et également d'autres hadiths qui nous apportent nahi, ou qui yufid nahi. C'est la quatrième catégorie, si on pouvait les hadiths concernant l'iktiwa, si on pouvait les regrouper en quatre catégories. Nahi anhu, c'est-à-dire l'interdiction. Mais bien sûr, ici, nahi, si on regroupe donc avec l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va bien sûr comprendre que c'est un nahi litanzi, la litahrim litanzi. C'est-à-dire que c'est déconseillé ici par rapport, on considère donc un nahi qui est de l'ordre du déconseillé. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et donc ensuite, bien sûr, après avoir cité tout ce qui va à l'encontre du tawakkul, que ce soit min kamal tawakkul ou tawakkul binafsi, il dit le prophète sallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Et donc sur leur Seigneur, ils ont la pleine confiance, tawakkul. Ils font le tawakkul par rapport à leur Seigneur. Ils ont un tawakkul complet, kamil, par rapport à leur Seigneur. Donc ce sont ceux, les 70 000, qui rentreront au paradis sans hisab. Aussi un point qu'il faut savoir par rapport à l'hisab, et qui est important. Il faut savoir que la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première communauté à qui compte sera fait. Alors que c'était la dernière communauté à apparaître. Et ça, bien sûr, c'est par la grâce. Min fadlillah azzawajal ala hadhihi l'ummah. C'est par la grâce d'Allah Azzawajal sur cette communauté. Et bien sûr, par rapport à ça, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Nous sommes les derniers et les premiers le jour du jugement, ou ceux qui vont devancer les autres, bien sûr, entre parenthèses, le jour du jugement. Nahnul akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Également un autre hadith qui est rapporté par Ibn Majah bisanadin hasan, avec une chaîne de transmission hasan. Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Nous sommes la dernière des communautés et nous sommes la première à qui compte sera fait. Une autre question également qui est importante et qui rentre aussi dans le hisab, hal al-kuffar yuhasabun am la? Est-ce qu'on va faire compte, on va rendre compte aux kuffars, aux mécréants ou pas? Il y a en fait deux avis chez les savants par rapport à cette question-là. Certains savants disent en fait qu'il n'y a pas de compte. Pas de compte leur sera fait. Parce que ce sont des kuffars en slam. Là, il y a trop de nul jannah abadan. Ils ne rentreront jamais au paradis. On ne leur rendra pas de compte par rapport à cela. Et bien sûr, ils prennent, c'est donc le premier avis, et ils prennent comme preuve un des versets du Coran, et qui est le suivant, qui fait surat al-Qasas, et qui est le verset 78. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ. Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ. Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Et également un autre verset, et qui fait surat al-Furqan, et qui est le verset 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons rendue, ou nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc pour eux, à partir de ce verset, ils n'ont même pas de hasanat, donc il n'y aura même pas de compte à faire à ces gens-là, aux kuffar. Ça c'est le premier avis. Et le deuxième avis, c'est compte leur sera fait. Et également, les savants qui disent cette parole-là, ils prennent également des versets du Coran, comme le verset suivant. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ. Comme dans sourate Al-Haqqa, qui est le verset 25 et 26. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Également dans le verset également, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Donc dans ces versets ici, l'umum, c'est-à-dire que c'est général, yatrul fil kuffar, par rapport à ceux à qui le livre sera donné dans leur main gauche, ceux qui reviendront à Allah azawajal, thumma inna alayna hisabahum, donc Allah azawajal leur fera les comptes. Ça c'est de manière générale cité. Donc il rentre également ici al-kuffar. Et également la parole du prophète sallam, laysa ahadun yawm al-qiyama yuhasab illa halaka. On voit ici laysa ahadun yawm al-qiyama, c'est-à-dire il n'y a personne, ahad. Et ici également umum, al-umum, c'est-à-dire que c'est général. Cette parole du prophète sallam, il rentre également dedans al-kuffar. Par contre al-hisab indahum hisabum hisab taqrir wa taqri', yani taqrir wa taqri'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le hisab, qu'ils reconnaissent leur péché. Et également ensuite, le reproche qu'il leur sera fait. Allah al-Musta'an. Et donc, si on dit que le kuffar compte leur sera fait, il y a bien sûr ici des hikam, c'est-à-dire qu'il y a des sagesses par rapport à cela. Et c'est le dernier point qu'on va traiter. Et ensuite, on reviendra au livre. On lira la question 117, Inch'Allah ou Ta'ala. Il faut savoir donc qu'il y a des hikam min muhasabati al-kuffar. Al-hikamu min muhasabati al-kuffar. Parce que compte est fait au kuffar, il y a des sagesses. La première, idhaou kamal adlillah azawajal. La hujjata wa la udhr lahum. C'est-à-dire que Allah azawajal va faire apparaître sa justice parfaite devant ses créatures. Et qu'ils n'auront donc pas d'arguments, qu'ils n'auront pas d'excuses devant Allah azawajal. Comme il dit Allah azawajal fi surat an-Nisa, qui est le verset 165. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. En tant que messager annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah, et Allah est puissant et sage. Donc après qu'Allah azawajal, رسلا مبشرين ومنذرين, lorsqu'il a envoyé des annonciateurs et des avertisseurs, et ceci afin Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakiman, afin donc qu'il n'y ait pas donc d'argument et de preuve par rapport aux gens, d'argument et d'excuses par rapport aux gens. Donc ça c'est la première hikmah. La deuxième, نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ. C'est là qu'on va comprendre également l'une des interprétations qui avait été donnée, ou de la compréhension du hadith du prophète sallam qui avait été donnée, et qui est la parole suivante du prophète sallam: مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. C'est-à-dire donc, celui qui a à rendre minutieusement compte de ses actes sera châtié. Et donc, عُذِّبَ, on a vu que l'adhab, il advient au moment même de al-munaqasha, suivant cette compréhension. Donc on voit bien que c'est un adhab pour les kuffars ici. Donc na'u min anwa' al-adhab, ça aussi c'est une des sagesses d'Allah Azzawajal, qu'il leur fasse leur compte. Et également une des sagesses, et ça c'est bien sûr suivant l'un des avis des savants, une grande question où les savants divergent et qui revient à une question des bases de la jurisprudence, fil usul al-kuffaru mukhatabun bi furu' al-shari'a. Donc certains savants, bien sûr, il y a deux avis par rapport à cela. Est-ce que les mécréants sont concernés par les branches de la charia, comme par exemple la prière, comme par exemple le jeûne, tout ce qui rentre dans la charia, ou est-ce qu'ils sont concernés par en fait la foi et par le tawhid, donc ce qui est considéré comme al-asl fi-din, ou est-ce qu'ils sont concernés par al-furu'? Donc ici, ikhtilaf al-ulama, certains savants parmi les al-usuliyin, ils disent que les al-kuffar sont concernés par les branches de la charia et d'autres non. Et parmi ceux donc qui disent qu'ils sont concernés, donc on voit ici qu'il y aura donc une hikmah, une sagesse, lorsque les comptes leur seront faits. Et parmi les versets qu'ils prennent, les savants, pour dire que les kuffars mukhatabun bifuru' al-shari'a, qui est le verset suivant, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Donc il fait menace donc au polythéisme qui ne donne pas la zakat. Donc il précise ici qu'Allah Azza wa Jal qui ne donne pas la zakat. Donc on voit ici preuve qu'ils apportent. Lorsque qu'Allah Azza wa Jal, il leur dit et il leur fait menace, وَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, qui ne donnent pas la zakat, par rapport donc à la zakat. Donc ici on voit bien وَجَلْ إِسْتِدْلَالِ, qui sont bel et bien considérés d'après ce verset par الفروع, فروع الشريعة, par les branches de la sharia. Et également un des grands versets qui vient appuyer ce qu'ils disent, c'est-à-dire l'une des preuves les plus fortes, et qui est le verset suivant: fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. Donc qui dans ce verset, dans les jardins ils s'interrogeront au sujet des criminels, qui fait sourate Al-Mudaffir, et qui est le verset 40, 41, 42. Fi jannatin yatasaalun, dans les jardins ils s'interrogeront au sujet des criminels. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin, au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Ma salakakum fi Saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. Donc ici hada wa shahid. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Bien sûr, ici les mujrimin, le kuffar. Qalu lam nakum min al-musallin. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc ici, Allah Azza wa Jalla les a châtiés par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait la prière. Et la prière par rapport à eux, c'est considéré min al-furu', bien entendu. C'est considéré ici min al-furu' par rapport à eux. C'est considéré comme les branches. Donc ici, les savants, ils prennent comme aspect argumentatif de ce verset que lorsque Allah Azza wa Jalla les châtie, ces kuffars, par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait la prière, et que la prière est considérée par rapport à eux al-furu', alors automatiquement, on comprend qu'ils sont mukhatabun, qu'ils sont concernés également bil-furu', qu'ils sont concernés également par les branches de la législation. Pas seulement les bases de la législation, mais également les branches de la législation. Et également, donc ça rentre dans la troisième, par rapport à cet avis des savants, ça rentre dans la troisième hikmah. Et également la quatrième hikmah, c'est que le kuffar manazil, ou darajat, c'est-à-dire que les kuffars, ils ont des degrés par rapport à leur kuffre. Par exemple, il y a ceux qui appellent au kuffre, et qui jour et nuit font la da'wa dans le kuffre. Il y a également ceux qui combattent jour et nuit les musulmans. Donc, ces kuffars, il y a entre eux des degrés. Et donc, par rapport à ça, lorsqu'on va leur montrer leur acte, on va donc pouvoir leur faire voir la différence dans cela. Et donc, Le dernier point par rapport à cela, il faut savoir que Al-Kuffar, s'ils ont fait de bonnes actions, alors les bonnes actions, leur récompense, c'est dans la vie d'ici-bas. C'est dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est un dernier point, à titre une parenthèse, un dernier point que l'on cite par rapport à cette question-là, lorsqu'on parle des mécréants. Et ça, on se base sur un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Inna Allah yu'ajjilu lil kafir hasanati fi dunya hatta idha ja'a yawm al-qiyamah la hasanata la. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, Allah azawajal yu'ajjila lil kafir, c'est-à-dire qu'il donne de manière immédiate aux mécréants ses bonnes actions, fi dunya, dans la vie d'ici-bas, jusqu'à qu'il vienne le jour du jugement et il n'aura pas en fait de hasanat, c'est-à-dire de récompense. Récompense par rapport aux bonnes actions qu'il a fait. La hasanatala. La hasanatala. Et bien sûr, la récompense, elle peut être de plusieurs degrés, ou de plusieurs, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, une personne qui a fait du bien par rapport aux pauvres, etc., il prend une renommée. C'est-à-dire tout le monde l'aime et il prend une renommée dans cette vie d'ici-bas. Une grande renommée. Ça, c'est une forme de récompense par rapport à cette personne-là, etc. À la kulli hal, hadith wadih. Pour dire que Allah Azzawajal, par rapport à leurs bonnes actions, ils auront la récompense de cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, rien du tout. Allah al-Musta'an. Donc, pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va lire donc la question numéro 117, et qui nous parle bien sûr du Hisab également, mais ici le Shir vient faire voir comme c'est décrit d'après la Sunna. Kayfa sifatu dhalika min as-Sunna. Donc, il nous rapporte également plusieurs hadiths. يقول الشيخ فيه أحاديث كثيرة il nous dit également qu'il y a plusieurs hadiths. Donc parmi les hadiths qu'il a cités, il y a des versions des hadiths qu'on a déjà cités auparavant et d'autres. Parmi cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من نوقش الحساب عذبا, quiconque aura rendu minutieusement compte de ses actes sera châtié. Et donc à ce moment-là, Aïcha lui avait dit عليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا, c'est-à-dire celui qui recevra son livre en sa main droite, ça c'est le début du verset, sera soumis à un jugement facile. Donc ici, c'est la parole qu'elle a dit. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sera soumis à un jugement facile. Donc un jugement facile, un jugement léger. Et le prophète sallam lui a répondu, comme on l'a vu, dhalika al-arb. Il s'agit donc ici de, comme on a dit, la présentation, l'exposition. Et il dit aussi, salawatullah wa salamun alayhi dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, yuja'u lil kafir yawm al-qiyama fayuqalu lah ara'ayta law kana laka mil'u al-ardi dhahaban akunta taftaji bih fayaqulu na'am. Donc on amènera l'incroyant, le kafir, le jour de la résurrection, et on lui dira, vois-tu, si tu avais le contenu de la terre en or, le donnerais-tu en rançon pour te racheter? Il répondra oui. On lui dira alors, il lui sera dit, فَقَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكِ. Il t'a été demandé ce qui est plus facile que cela, alors que tu étais encore dans les reins d'Adam, فِي صُلْبِ آدَمَ, que tu ne m'associes rien, mais tu n'as voulu que l'association. L'associationnisme, le shirk, le polythéisme, Allah al-Musta'an. Il dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanzuru aymana minh fala yara illa ma qaddama min amalih wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yaday fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fattaqu an-nara wa law bi shiqqi tamrah ولو بكلمة طيبة ولو بكلمة طيبة. Il n'y a personne entre vous à qui son Seigneur ne parlera pas sans qu'il n'y ait entre eux d'interprète. Tourjuman. Ensuite, il regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a fait comme œuvre, que ce qu'il a avancé de ses œuvres. Puis il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a avancé également de ses œuvres. Enfin, il regardera devant lui et ne verra que le feu en face de lui. Alors mettez-vous à l'abri. Ensuite, le prophète sallam, il nous donne ce conseil. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Alors mettez-vous à l'abri du feu. فَاتَّقُوا النَّارَ. Ne fût-ce que par la moitié d'une date, ou même par une bonne parole. وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Et il dit également le prophète, salawatullahu wa salamun alayhi, يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Donc on voit bien que ce dernier hadith, c'est un hadith qui concerne donc l'arabe, où le prophète, où Allah Azza wa Jal expose les péchés, donc Adam in Bab al-Taqrir, jusqu'à qu'il reconnaisse et ensuite il lui les pardonne. Et donc, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari al-Muslim, hadith ibn Omar, radiallahu ta'ala anhumah, l'un de vous, c'est-à-dire les croyants, s'approchera de son Seigneur jusqu'à ce qu'il le mette sous son égide. Puis il lui dira, as-tu fait telle et telle chose, il lui répondra que oui. Puis il lui dira, as-tu fait telle et telle chose, il lui répondra que oui. Ainsi, il lui fera avouer ses péchés. Donc ici, il avoue. Il reconnaît ses péchés. Ensuite, il lui dira, je les ai cachés dans le bas monde et voilà que je te les pardonne aujourd'hui. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك